Regarde-moi donc un peu. Voilà une figure. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu me trompes. Je te trompe? Comment je te trompe? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que tu te moques de moi, que tu es la dernière des coquines et qu'il y a quelqu'un ici. Quelqu'un? Oui, quelqu'un. Qui? Quelqu'un. Voilà du nouveau. Ça. Oh, ne ris pas et ne nie pas. Tu y perdrais ton temps et ta peine, je sais tout. Oh, c'est ça, hausse tes épaules et force-toi de me faire croire qu'on a mystifié ma bonne foi. Le ciel m'est témoin que j'ai commencé par le croire et que je suis resté 10 minutes les pieds sur le bord du trottoir, les yeux rivés à cette croisée, m'accusant d'être fou, me reprochant d'être ingrat. J'allais m'en retourner, je te le jure, quand tout à coup deux ombres, la tienne et une autre, ont passé en se poursuivant sur la tache éclairée de la fenêtre. À cette heure, tu n'as plus qu'à me livrer ton complice. Nous avons à causer tous deux de choses qui ne te regardent pas. Allons me chercher cet homme Adèle. C'est à cette condition seulement que je te pardonnerai peut-être. Car ma tendresse pour toi sans borne me rendrait capable de tout, même de perdre un jour le souvenir de l'inexprimable douleur sous laquelle sombre toute ma vie. Tu es bête. Je l'ai été. Oui, j'ai été 8 ans ta dupe. Inexplicablement aveugle en présence de telles évidences qu'elles auraient dû me crever les yeux. N'importe, ces temps sont finis. La canaille peut triompher, une minute vient toujours où le bon Dieu qui est un brave homme se met avec les honnêtes gens. Assez. Tu m'imposes le silence, je crois. Tu peux même en être certain. En voilà un énergumène qui entre ici comme un boulet, pousse les portes, tire les rideaux, emplit la maison de ses cris, me traite comme la dernière des filles, va jusqu'à lever la main sur moi. Adèle. Tout ça parce que soi-disant il aurait vu passer deux ombres sur la transparence d'un rideau. D'abord, tu es ivre. Ce n'est pas vrai. Alors, tu mens. Je ne mens pas. Donc, tu es gris, c'est bien ce que je disais. De deux choses, l'une. Tu as vu double ou tu me cherches querelle. Enfin, ma chère amie, voilà, moi, on m'a raconté des choses. Et tu les as tenues pour parole d'évangile. Et l'idée n'était pas venue un seul instant d'en appeler à la vraisemblance, aux 8 années de liaison que nous avons derrière nous. Ah. C'est délicieux. En sorte que je suis à la merci du premier chien coiffé venu. Un monsieur passera qui dira à votre femme, vous êtes infidèle, et moi, je paierai les pots cassés. Je tiendrai la queue de la poire. Mais... Oh, détrompe-toi. Oh, j'ai fait une gaffe. Là, elle est trop forte, par exemple. Voici la lumière. Pourquoi faire? Pour que tu ailles voir toi-même, ne faisons pas l'étonner. Mais tu n'empêcheras jamais les gens qui aiment d'être jaloux. Tu l'as déjà dit. Moi? Quand ça? Oh, tu m'ennuies. Je te dis de prendre cette lampe et d'aller voir. Tu connais l'appartement, hein? Je n'ai pas besoin de t'accompagner. Ne sois donc pas méchante, Adèle. Est-ce que c'est ma faute à moi si on m'a collé une blague? Pardonne-moi et n'en parlons plus. Tu sollicites mon pardon? C'est bizarre. Mais non plus à moi de mériter le tien par mon repentir et par ma bonne conduite. Va toujours, nous verrons plus tard. Comme au fond tu es plus naïf que méchant, il est possible, pas sûr pourtant, que je perde moi un jour le souvenir de l'odieuse injure que tu m'as faite. Mais j'exige, tu entends? J'exige que tu ne quittes cet appartement qu'après en avoir fouillé, scruté, l'une après l'autre chaque pièce. Il y a un homme ici, c'est vrai. Mais non! Ma parole d'honneur. Tiens, il est là-dedans. Viens donc voir. Oh, tu me prendrais pour une poire. Voici la clé de la cave. La cave. Tu me feras le plaisir d'y descendre. Oh, tu es dur avec moi. Et de regarder entre les tonneaux et les murs. Ah, je te fais des infidélités. Ah, je cache des amants chez moi. Eh bien, cherche, mon cher. Trouve. Oh, allons. Je n'ai que ce que je mérite. Oh, allons. Bon, cette lampe est éteinte. Oh, mon Dieu. Oh, voilà une autre histoire. Adèle, tu as des allumettes? Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De la lumière? Dans le bahut?